rising. J'ai accompagné la femme de ma vie jusqu'à son dernier souffle. J'aborde cette thématique avec le cœur qui souffre. Les docteurs me parlent, j'ai envie de leur ôter la vie. Que personne ne l'ouvre, que personne me touche, putain. La vie c'est violent, la vie et ses tourments. Là je glisse, j'ai perdu confiance en mon propre ciment. On te fait raquer le sous-sol, bah ouais les capitalistes n'ont pas de sentiments. Chaque centimètre est compté. Les pompes funèbres mangent sur la tristesse des gens. Fausse empathie, n'essaie pas de me tromper. Quand ta cœur cesse de battre, il ne voit que la couleur du pays. Alors je suis seul avec mon deuil et j'essaie de pas vriller. À genoux commencé, vous me demandez si ça va pas. La femme de ma vie m'a quitté, qu'est-ce que je fous là? J'avoue que je doute là. Colère et tristesse forment un cocktail qui me déboîte. Putain la vie c'est violent, c'est de ma chair dont je te parle. Putain c'est violent, c'est de ma mère dont je te parle. Mon cœur est sanglant, docteur face à la mort j'apprends à mourir. Car vivre est bel et bien un mot qu'a pris la tangente. Moi j'ai pas les mots justes. Quand les larmes parlent pour moi, aucun pansement pourrait couvrir mes blessures. Comment trouver la douceur sur un nid de ronces? Comment pourrais-je sentir indemne quand l'absence me ronge? Moi j'ai pas les mots justes. Quand les larmes parlent pour moi, aucun pansement pourrait couvrir mes blessures. Comment trouver la douceur sur un nid de ronces? Comment pourrais-je sentir indemne quand l'absence me ronge? Alors c'est bien ça maman, je dois te laisser reposer en paix. C'est arrivé brutalement, j'ai pas compris. Et comme chaque lundi, je serai là pour qu'on mange ensemble à chaque midi. Putain, je suis seul face au grand vide. La mort fait partie de la vie, à ce qui paraît, ça fait grandir. Alors j'aurais compris que chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de ma mort. Certains diront que ce titre est glauque, d'autres penseront que c'est réaliste. Je te rassure, je la kiffe la vie. Tout va si vite, un cœur cesse de battre. Je réalise que je verrai plus ton sourire, que je verrai plus tes appels. Et chaque fête des mères, tu manqueras à l'appel. Je me sens seule, une partie de moi s'est envolée avec toi. Maman je t'aime, aucune t'arrive à la cheville, tu peux me croire. La seule qui a su me relever malgré les faux pas. J'ai pas eu le temps de te faire grand-mère et je réalise toujours pas. Moi j'ai pas les mots justes. Quand les larmes parlent pour moi, aucun pansement pourrait couvrir mes blessures. Comment trouver la douceur sur un nid de ronces? Comment pourrais-je sentir indemne quand l'absence me ronge? Moi j'ai pas les mots justes. Quand les larmes parlent pour moi, aucun pansement pourrait couvrir mes blessures. Comment trouver la douceur sur un nid de ronces? Comment pourrais-je sentir indemne quand l'absence me ronge? Quand y'avait à manger pour un, y'en avait pour dix. Le sens du partage tu m'as appris, ne pas se laisser marcher sur les pieds. Combien de fois tu me l'as dit, marcher la tête haute devient difficile sans toi. Putain la vie c'est violent, au moment où je rappe ce texte j'ai l'impression de flotter. J'ai dit qu'on se le dise, c'est notre histoire à nous de l'affronter. À nous de continuer, maman nous passe le relais. Ma mère était une homme, je n'ai pas le droit de chuter. Elle nous a montré la voie, elle avait les mots pour pas qu'on baisse les bras. Moon, là c'est toutoun, mon cœur est paralysé. Mais je peux pas faire de la merde, tes enfants sont des guerres. Je t'avoue que j'en veux aux cinquantenaires qu'on la chance d'avoir encore père et mère en vie. Si j'avais la lampe du génie, je lui demanderais de ramener papa, maman dans cette vie. Hélas, ma réalité est loin d'un film fantastique. Moi j'ai pas les mots justes. Quand les larmes parlent pour moi, aucun pansement pourrait couvrir mes blessures. Comment trouver la douceur sur un nid de ronce? Comment pourrais-je sentir indemne quand l'absence me ronge? Moi j'ai pas les mots justes. Quand les larmes parlent pour moi, aucun pansement pourrait couvrir mes blessures. Comment trouver la douceur sur un nid de ronce? Comment pourrais-je sentir indemne quand l'absence me ronge?